من كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من موانع الإجابة. Donc tiré du livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, La maladie et le remède, dans le chapitre Parmi les choses qui empêchent l'exaucement. ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطل الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. Parmi les erreurs qui empêche de voir les conséquences de l'invocation sur l'individu, c'est que le serviteur s'empresse. Il n'est pas patient, il s'empresse. Il veut, lorsque il invoque Allah, il veut que l'exaucement soit rapide. D'accord ? Donc le fait qu'il s'empresse, et il sent que la réponse à son invocation met du temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il se met à délaisser l'invocation. Et il est en fait dans le même cas qu'un individu qui, en fait, sème des graines, s'occupe à arroser cet endroit-là, où est-ce qu'il a semé. D'accord ? Mais étant donné qu'il ne voit pas le fruit de sa récolte, il ne voit pas en fait les choses pousser, il ne voit pas aucun effet pour le moment parce qu'il a mis les graines et puis il a mis, à chaque fois il commence à lui mettre de l'eau, c'est comme en comparaison avec l'individu qui à chaque fois invoque Allah. Eh bien, étant donné qu'il ne voit rien qui pousse, donc il se met à le délaisser, à ne plus l'arroser. D'accord ? Eh bien, c'est l'image qu'il a donnée lui-même, Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme celui qui invoque Allah et qui veut que son exaucement soit le plus rapide possible, soit immédiat. Étant donné qu'il ne voit pas de réponse immédiate, eh bien, il se met à délaisser l'invocation. Eh bien, ça fait partie des choses qui empêchent l'exaucement. Puisqu'il délaisse l'invocation, eh bien, étant donné qu'il a délaissé l'invocation, donc il ne verra pas l'exaucement. C'est parmi les choses donc qui empêchent l'exaucement de l'invocation. Wa fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Hurayra anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yustajab li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'awtu fa lam yustajab li. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith donc rapporté par le même Bukhari dans son sahih selon Abi Hurayra, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il vous est répondu à l'un d'entre vous tant qu'il ne s'empresse pas, en disant: j'ai invoqué et on ne m'a pas répondu. Wa fi sahih Muslim anhu la yazalu yustajab lil 'abd ma lam yad'u bi ithm aw qati'a rahim ma lam yasta'jil. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. Donc dans le hadith qui est authentique rapporté par un musulman dans son sahih, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne cesserait pas que l'invocation du serviteur soit répondue tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou pour rompre les liens de parenté, et tant qu'ils ne s'empressent pas. Ils ont demandé: ô envoyé d'Allah, qu'est-ce que l'empressement ? Il répondit: c'est que le serviteur dise: eh bien, j'ai invoqué, mais je ne vois pas de réponse ni d'exaucement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à délaisser l'invocation. Wa fi musnad Ahmad hadith Anas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yazalu al-'abdu bi khair ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. Et dans le hadith, dans le musnad de l'imam Ahmed, rapporté par Anas radiallahu anhu, qui a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur ne cessera d'être dans le bien tant qu'il ne s'empresse pas. Ils demandèrent, ô envoyé d'Allah, comment est l'empressement? Comment pourrait-il s'empresser? Il répondit, eh bien, c'est qu'ils disent, j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas répondu.